Salut à toi qui m'écoute. Sans réellement le vouloir, tu m'as amené dans ton monde. J'existe dans ton histoire grâce à cette pastille audio. Crois-moi que je vais me donner bien du mal pour utiliser le précieux temps qui m'est imparti. Voir le monde à travers le jeu de rôle. Si vous êtes comme moi, vous avez pas mal consommé d'œuvres différentes. Vous savez qu'il y a des œuvres diverses et variées, traitant parfois des sujets lourds de sens. Chaque œuvre représentant une société, notamment la nôtre, transmet une part de jugement. Les sociétés très ordonnées ou autoritaires sont mauvaises. Les gamins pavés de bonnes intentions et qui hurlent très fort sont des héros, etc. L'objectivité n'est pas réellement atteignable et de mon côté n'est pas réellement souhaitable dans une œuvre. Je ne fais pas des documentaires, je consomme et participe à des œuvres culturelles, devant, comme toute œuvre culturelle, être remis dans son contexte pour pouvoir l'appréhender. Ce qui fait qu'un monde à travers le jeu de rôle n'a rien d'anodin. Chaque chose peut être discutée, étant donné qu'elle peut être changée en seulement quelques phrases. Je vous apprends rien en disant que ça marche pas comme ça chez nous. Donc rien n'est anodin, tout peut se décider ou changer. Et pourtant, on continue à tuer allègrement, on se plaît même à le faire parfois. Une de mes blagues récurrentes, c'est de dire que les rôlistes sont des gens super sympas, bien qu'ils passent leur temps à se demander comment tuer des gens. Il existe des tutos sur internet pour apprendre à décapiter un gobelin. Il y en a tout le tour du ventre d'ailleurs. Jouer un chevalier, c'est jouer une personne qui pense qu'il y a des castes supérieures à d'autres par nature. C'est quelque chose dans la vraie vie qui me dégoûterait. Et pourtant, je dirais que lorsque je joue cela, bah je m'en fiche. Car j'arrive à faire, comme on dit, la part des choses avec des gros guillemets. Mais c'est quoi faire la part des choses? Bah c'est savoir que ce n'est pas réel, que ce n'est qu'un jeu, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais alors, pourquoi je veux jouer ça? Eh ben, en fait, voilà, je suis pas vierge. De ma culture, hein, oui, bon, hein, de ma culture. J'ai été bercé par des histoires de chevaliers qui tuent des méchants car lui, il a raison, quand j'étais môme. C'était pas forcément un méga bon modèle, mais bon. Je reproduis ces histoires tout simplement parce qu'elles ont bercé mon imaginaire. Bah oui. Je m'arrête un instant pour vous parler de l'excellente vidéo L'effet Magneto de Bolchegeek, qui parle du fait que bien souvent les héros défendent des statu quo dérangeants. Des œuvres se prétendant écologiques ne le sont pas tant que ça finalement, étant donné que l'écologie se résume à casser la bouche à quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais vient alors la conclusion suivante. Un autre monde est possible, Sherlock. Un monde où on ne joue pas des chevaliers qui tuent ou qui viennent de la noblesse. Des mondes où les personnes subissant des discriminations n'ont pas à les subir le temps d'une partie. Une phrase que j'aime tout particulièrement, c'est « Dans un même cadre géographique, il y a des gens qui vivent dans un monde beaucoup plus violent que les autres. Il faut pas oublier ça. Et on peut lutter contre. On joue peut-être au Moyen-Âge, mais je veux pas de racisme ou de sexisme à ma table. » Alors, est-ce que c'est de la réécriture historique? C'est une question possiblement intéressante, mais hors sujet, je fais pas du documentaire, je joue avec des potes. On peut se créer de nouvelles histoires, de nouveaux référentiels. Nous ne sommes pas pliés au code de la société, mais c'est pas facile. Je suis le premier à aimer jeter des dés pour planter mon épée au cœur d'un dragon. Et malheureusement, on ne se refait pas, hein. Je connais mes déterminismes. Enfin, on ne se refait pas, on peut se refaire en partie. N'oubliez pas qu'il faut manger équilibré même dans la fiction. Un petit cheat meal de temps en temps, pourquoi pas. Maintenant, on attaque le cœur du sujet. On va parler politique. Et surtout, comment ramener le politique dans l'œuvre? Alors, le politique, c'est quoi? Bon, on va dire que c'est l'organisation du vivre ensemble, pour faire simple. Mais ça nous apprend pas forcément grand-chose. C'est quoi la différence avec la culture? On va dire que la culture, c'est des traditions, des œuvres, des déterminismes d'une société. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à critiquer une culture, ce qui est culturel, tandis que le politique, en général, on se prive pas. Avec la définition que je vous ai donnée, tout peut être plus ou moins politique pour peu qu'on soit un peu de mauvaise foi. Mais surtout, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, rien n'est anodin, et on transmet des idées, un climat général, à travers les œuvres qu'on fait. On participe à une sorte de culture. Et ben, on peut politiser cet aspect-là, et décider de faire les choses autrement, à notre échelle bien sûr. Alors je vais vous donner ma définition que j'ai parce que c'est la mienne, de la vision politique. La vision politique, ce serait la hiérarchisation et la construction d'organisations du vivre ensemble à but d'action. Voilà, bon, ça c'est pour la péter. Si vous voulez critiquer un fait social, il faut le détacher de la culture et le ramener dans la politique. Ok, je pars loin, mais c'est ce que dit Franck Lepagent, tout du moins. Ainsi, nous pouvons faire trois choses différentes. La première, c'est ne pas traiter le sujet. Si vous préférez pas le faire ou avez peur de mal faire, bah ne le traitez pas. Je compte même plus les jeux où je dis bah, il n'y a pas de racisme ou de sexisme, parce que c'est pas un truc que je maîtrise. Mais c'est un choix politique car il est conscient de participer à un changement qu'on dirait doux. La deuxième façon, ce serait de dire bah, on y va, on se renseigne, on demande l'avis aux concernés, et on essaye de se faire poser des questions, si possible subtilement et pas trop frontalement pour que ça soit pas contre-productif. Hé, hey, je respire. Mais voilà, c'est, on peut faire les choses. Et la dernière, bah en fait, c'est d'en avoir rien à faire. On met des trucs et puis tant pis. Et franchement, ça peut s'entendre, il y a une infinité de sujets possibles et des fois, bah voilà, la flemme quoi. Comme par exemple le fait de tuer des monstres. Mais je pense qu'il y a des sujets dont il vaut mieux vous faire l'économie plutôt que de le mettre et ne pas le traiter. Mais certains disent, ouais, mais c'est pas réaliste ça. Ne me dites pas que c'est réaliste ou crédible, car je sais pas trop, mais je vais réfléchir. Tout d'abord, je dirais que la notion de cohérence est plus ou moins importante selon la personne. Pour certains, la cohérence se limite à une microsphère autour des personnages. Pour d'autres, c'est tout le vaste monde, et sans rien excepter, quoi. De l'autre côté, la vraisemblance n'est pas une chose objective. Est-ce qu'un garde peut entendre une personne qui se déplace en armure lourde à 25 mètres? C'est presque impossible d'avoir une réponse concrète à cette question. Et la réalité, c'est qu'on s'en fiche un peu d'avoir cette réponse. On possède le pouvoir de l'imagination, après tout. Stan Lee disait qu'il avait marre de répondre à la question de « c'est qui le plus fort entre bidule et truc ?» Il répond souvent que, bah, en fait, il fait gagner celui qui a envie de faire gagner pour l'histoire. Conclusion, n'utilisez pas cet argument ou l'argument culturel pour justifier la présence de tel ou tel élément dans votre monde fictionnel. Ça ne marche pas comme ça. Soyez conscient de votre déterminisme et que vous pouvez lutter pour des visions politiques autres. Vous avez aussi le droit de mettre de côté votre vision politique de temps en temps, mais peut-être que sur certains sujets, il vaudrait mieux ne pas les mettre plutôt que de mal les traiter. Bon. J'ai pas eu le temps de parler d'appropriation culturelle, fort heureusement, parce que je suis pas au point là-dessus. Allez, ciao!